Radio Ville-Marie, CIRAFM, 89,9 Trois-Rivières et 89,3 Victoriaville. Angle de société. Un regard sur les dynamiques sociales d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Ville-Marie, à l'émission Arts et Lettres. Moi, j'ai une surprise pour M. Bonin ici maintenant. Oui. Ah oui? Oui. Vous voulez lui décerner quelque chose? Non, j'ai son quatrième livre. Livre. Celui auquel il a collaboré, c'est-à-dire une réédition d'une œuvre du domaine public qui s'appelle Voyage au Canada. Ah, mon Dieu! Donc, c'est une surprise pour nous, pour les auditeurs et pour l'auteur aussi, quoi. Il ne l'a pas vu en studio. Il ne l'avait pas vu. Non, il ne l'a pas vu encore. Ah, d'accord. C'est vraiment la première fois. Oui, vous l'avez réservé, cette surprise-là. Il la connaît, la version électronique. Oui. Oui, mais il ne savait pas que le livre, le bouquin, tout réuni, c'est quand même très émouvant. C'est le produit final. Le produit final avec une très belle illustration. Et le titre, c'est Voyage au Canada, dans le nord de l'Amérique septentrionale. Peut-être vous voulez nous en dire un mot de ce... Ça, c'est votre quatrième tome. Non, donc, en fait, ce livre est indépendant. Non, c'est pas un tome, exactement. C'est un quatrième livre. Seul mérite que j'ai... Ça, c'est une œuvre qui a été écrite par un canonnier bombardier qui est venu ici dans les années... la fin des années 1750, de 1751 à 1761. Il a séjourné 10 ans au Canada et qui a consigné par écrit son vécu ici. Mmh. Et c'est un témoignage vraiment exceptionnel sur les dernières années de la Nouvelle-France avant la conquête par les Britanniques. Mmh. Et on apprend tout là-dedans sur les us et coutumes des populations locales, autant européennes qu'amérindiennes. Quand j'ai lu ce manuscrit que j'ai découvert aussi par hasard, c'est souvent le hasard. Ouais. Je revenais pas de vous êtes un hasard curieux. Vous allez à la bibliothèque et vous fouillez dans la bonne section. J'ai cette tendance à fouiller beaucoup, voyez-vous. C'est pour moi, c'est un plaisir. Ouais. Et quand j'ai découvert ce manuscrit, je me suis dit, mais c'est formidable. J'ai dit, toute cette richesse d'informations qu'on connaît très peu de cette époque-là. Ouais. Et le livre était rendu dans le domaine public. Alors, moi, j'ai fait des essais, j'ai sorti le document de façon via la Bibliothèque nationale qui avait un fichier. Et je commençais à lire le document et je me suis dit, mon Dieu, c'est intéressant, mais c'est ardu à lire. Mmh. Et là, à j'ai découvert... Il y avait plusieurs problèmes. Il y avait des fautes typographiques, il y avait des fautes orthographiques. Mmh. Et... le style de l'auteur est écrit dans un style de vieux français, mais très bien écrit, soit dit en passant. C'est souvent plus ampoulé. C'est plus ampoulé, effectivement. Donc, je m'étais dit, malgré ça, j'ai dit, c'est important que les gens sachent que ça existe. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, je me suis livré à un exercice ces dernières semaines, et j'ai passé, comme Mouki dirait, au rayon X, le document au complet. Et là, à ce moment-là, il a été épuré de toutes ses fautes. D'accord. Qui alourdissaient la lecture. J'ai même pris l'occasion pour déplacer les notes qui avaient été rédigées en bas de page par l'ancien éditeur pour en faire une section à part dans le livre, pour faciliter la lecture en continu. Mm. Vous avez une petite question? Est-ce que vous avez épuré le style, simplifié le style? Non, je vous avoue que j'ai eu un gros problème parce que je me disais, si je fais ça, je commence à jouer dans le style de l'auteur. Ouais. J'ai comme l'impression que je fais quelque chose, un sacrilège, par exemple. Ouais. Parce que moi-même, j'estimais... Je n'avais déjà lu des œuvres anciennes aussi, puis je me disais, mais c'est formidable. Le monsieur, avec sa connaissance littéraire de l'époque, a écrit un manuscrit vraiment d'une très grande qualité. Je ne peux pas commencer à jouer là-dedans. Bon, j'ai fait des petites retouches à gauche et à droite, tu sais, comme par exemple, eux avaient la tendance à écrire beaucoup de phrases complexes avec des points virgules. En n'en plus finir. Alors, j'ai abrégé parfois, j'ai mis des points où il fallait en mettre, j'ai modifié l'ordonnancement dans les paragraphes pour que ça soit toujours plus agréable à lire. Et dans cet esprit-là, ce qui est surtout important, OK, puis comme on le dit dans le livre, c'est que c'est pour la première fois, l'auteur est désigné sous son véritable nom. Oui, montrez-moi. Parce que dans l'édition qui a été réalisée en 1887, malheureusement, on ignorait l'auteur parce que le manuscrit qui était conservé à Paris portait simplement les initiales JCB. Et en 1993, un historien militaire, M. René Chartrand, a découvert la véritable identité de cet auteur. Ouais, c'était Joseph Charles Bonnet. C'est ça. Preuve à l'appui à part de ça. Alors là, je me suis dit, mais donc, comment ça se fait qu'aucune maison d'édition a pris la peine de remettre ça en circulation, mais sur la véritable identité de l'auteur? Ouais, ouais, alors là, on s'est dit, ben nous, on a peut-être l'occasion ou jamais de rétablir les choses, et c'est ce qu'on a fait. Et ça, j'en suis particulièrement fier. Félicitations. Ouais, félicitations, merci, madame, à vous. Mais pour le public lecteur aussi, on offre, vous voyez la version imprimée du livre, alors on offre la version numérique gratuitement parce que, oui, absolument, les gens peuvent le télécharger gratuitement. Donc, vous pourriez peut-être nous dire où exactement? Sur le site de la Fondation littéraire, dont l'adresse est la suivante, les fameux 3 www.manuscritdépôt.com. OK, donc toujours au singulier en un seul mot, manuscritdépôt.com. Exact. Et dans cette page d'accueil où vous allez arriver à cette adresse, il y a une section qui s'appelle « Livres numériques gratuits » qui vous conduit à la bibliothèque de la Fondation littéraire Fleur de Lys qui regroupe tous les livres numériques gratuits offerts par les auteurs. Certains auteurs préfèrent offrir la version numérique de leur livre gratuitement et ne vendre que la version imprimée. D'accord. Ah oui, donc là, il y a un bon choix. Vous avez plus qu'un livre. Et ici, je me rends compte que Joseph Charles Bonnet, qui est vraiment l'auteur de cette saga, enfin, un peu historique, où il raconte son voyage au Canada dans les années 1751-1761. Vous, est-ce qu'il y a un lien de parenté avec vous? Parce que Bonnet, je m'attendais à la question. Vous appelez Pierre Bonnet d'avoir un lien de parenté ou pas du tout? Vous ne savez pas? C'est extraordinaire. Je vous dirais tout simplement. Simplement, c'est un heureux concours de circonstances. Il n'y a pas de lien de parenté parce que le monsieur en question, l'auteur, quand il est retourné en France, il n'a pas laissé de descendance ici. Donc, par conséquent, il ne fait pas partie de la lignée de mes ancêtres. Et puis, on n'a pas de lien de parenté avec lui. Contrairement à beaucoup de bonnets avec son... ceux dans notre premier ancêtre sont demeurés ici. Lui était simplement de passage. Alors, c'est une coïncidence, tout simplement. Une belle coïncidence. Par solidarité patronymique, ça, je suis bien heureux. Exactement. Ben oui, d'avoir remis à jour ses notes, son carnet, son journal de bord. En fait, fermé très, très bien écrit, comme vous dites, avec ce style-là, Fondation littéraire Fleur de Lys. Ça, c'est une belle découverte pour nous, les auditeurs. Et je vous aussi assure que vos lecteurs seront surpris parce que c'est passionnant. J'ai hâte de lire, moi aussi. Donc, on s'arrête quelques instants pour une pause musicale.